derrière à Ekinla. Ekinla vers Crosby. That's like, here's a shot. Henderson made a wild stab towards the bell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson has scored for Canada. Alors donc, 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au bout. Et le but. C'est long et oui, c'est carré. Oui. Julian Ferdi file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à la conduite de partie, une émission qui parle de sport d'un peu partout à travers la planète, mais surtout en Mauricie. Quoique de moins en moins, là, il y a de moins en moins de sport en Mauricie présentement. Là, on le sait, Collège de la Flèche c'est fini, Carangay c'est fini, Patriotes c'est fini, il nous reste Shawinigan pour les Cataractes, pour qui ça va très bien. Là, on en parle en fin d'émission d'ailleurs du côté des Cataractes, pour qui on mène la série 3-1. Contre le Rocket de l'île du Prince-Édouard, et on peut dire le côté performance présentement, les Cataractes ont absolument rien à se reprocher d'aller chercher les deux matchs à date sur trois à l'île du Prince-Édouard, au Royaume de la Patate, et peut-être un troisième ce soir. Je pense qu'on fait de très bonnes choses. Alors ce matin, tout d'abord, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine, bonjour Philippe. C'est tout? Ah, écoute. Qu'est-ce qu'il y a là? Mon café est frette, Internet l'autre pas, puis annonce la neige. Ça va pas bien. Je suis dans un creux de vague. Tu sais, il y a des matins, genre très souvent où je plains ta blonde. Hein? Oh, écoute, non, mais elle est rendue imperméable. Ouais. Oui, c'est une femme formidable. Je la salue d'ailleurs. Ah, dégueu. La façon dont tu viens de dire ça, là. Avec les petits yeux nazaires. Ah ouais, ouais. C'était catchy, hein. C'était vraiment, là. C'était senti, monsieur. T'étais vraiment à un centimètre de faire un genre de PS tendresse que tu peux entendre sur des chaînes un peu plus matantes sur le reste de la bande FM, disons-le comme ça, là. Avec une petite voix sensuelle, là, pour donner ton amour à... Alors, tu poursuis l'émission, Nicolas? J'aimerais juste ça, te saluer. Et on aimerait ça saluer nos auditeurs qui nous écoutent ce matin. On les aime beaucoup. Alors ce matin à l'émission, on reprend nos voix d'hommes, on reprend nos sujets sportifs. Qu'est-ce qu'on a comme line-up ce matin à l'émission? Tout d'abord, on va parler de baseball. C'était le début, le play-ball du côté des ligues majeures de baseball. Hier, ça commençait avec un match par les Yankees, entre autres. Là, nul autre que les Yankees, là, bien sûr, qui ont ouvert le New Yankee Stadium. Il n'y a toujours pas donné de nom, si je ne me trompe pas. Non, effectivement, c'est le New Yankee Stadium. C'est celui de l'autre bord de la rue. Là. C'est ça, parce que j'imagine que du côté de la famille Steinbrenner, bon, on sait, George est maintenant avec n'est plus de ce monde, mais du côté du reste de la famille, bon, on veut peut-être ça pourrait tomber le George Steinbrenner Stadium ou le Steinbrenner Stadium. Ben, peut-être, je veux dire, c'est une option, mais je trouve pas ça très... Parce que le New Yankee Stadium, ça va durer peut-être un 5-6 ans, et ensuite, ça va juste transiger lentement, mais sûrement, vers le Yankee Stadium, et l'autre va être le Old Yankee Stadium. Je sais pas à quel point George Steinbrenner... Oui, évidemment, ça a été un personnage marquant dans l'univers des Yankees, mais à quel point ça a été marquant pour vraiment lui donner le nom du nouveau stade, beaucoup. Ce serait intéressant d'en discuter. D'ailleurs, il y avait un documentaire, pas plus tard que cette semaine, à TSN, bon, de la série 30 for 30 de ESPN, qui s'appelle The House That Steinbrenner Built. Et ça explique bon tout ce que George Steinbrenner a fait pour les Yankees et ce que, on y allait avec le nouveau stade, tout ce qu'on avait intégré. Et bon, on montrait aussi des sièges qu'on vend 5$ qui sont au stade, qui sont 5$ le siège, mais qui sont des vues obstruées. Tu vois absolument pas une partie du champ centre et le champ gauche au complet. Ils sont 5$. C'est parfait pour les enfants malades, là, mais à part de ça... non. Ça chialait un peu, mais c'est un personnage extrêmement important, là, Steinbrenner. Mais quelle série, là, je veux saisir un peu la balle au bon là, pour en parler tendrement. Mais quelle série magnifique que ce 30 for 30 à TSN. Dans le fond, là, on a des documentaires, si on veut, là, d'une heure environ, une heure et demie, deux heures, sur plusieurs aspects du sport. Et j'ai fait découvrir beaucoup de choses dans le sport. Bon, allant de ce qu'on vient de parler, à l'Université de Miami, à l'équipe de rugby en 94, bon, avec Nelson Mandela en Afrique du Sud, à Terry Fox. À des boxeurs qui ont pas connu telle carrière parce que l'arbitre a pas arrêté le combat au bon moment. Je vous invite là, ben tout d'abord regardez sur TSN. Si vous avez ESPN classique, je pense qu'il en passe très souvent. C'est des classiques. Ben oui, je dis de même, là, mais c'est des pièces d'anthologie. Et pour les autres, bon ben sinon il y a des DVD en masse sur Amazon que vous pouvez vous procurer. Espérons que RDS reprendra un peu comme il l'avait fait avec la série d'HBO là sur les Capitals et les Pingouins. Je pense que ça va être difficile du fait que la plupart des sujets qui sont traités, bon, c'est ESPN, hein, fait que c'est pas les mêmes sujets. La plupart des sujets qui sont traités ne rejoignent pas le public québécois en grande majorité. Peut-être Gretzky, peut-être certains autres, là, mais pour la plupart, je pense pas que ça rejoigne nécessairement. Hey, on coupe ça, là, on s'en va tout de suite avec le reste de l'émission. On va parler du Canadien de Montréal avec Jonathan Bernier de Rue Frontenac qui se joint à nous en deuxième demi-heure d'émission. On va parler de Bulldogs d'Hamilton, sûrement. On va parler de boxe aussi, Jean-Pascal, Luchan Bouté, Michael Kessler. Beaucoup de nouvelles là, qui se décident dans les dernières journées et dernières semaines, donc on va en parler. Et on va parler en fin d'émission, Jonathan Roberge, plutôt, de l'hebdo du Saint-Maurice, qui est en direct de l'Île-du-Prince-Édouard. On va lui parler des cataractes. Bon, savoir où est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans la préparation de l'équipe. Mais, tout d'abord, là, on y va avec un petit peu de musique. On y va avec du extérieur, avec la chanson Campanile. Assez agressif comme tune. Je pense que ça part bien l'émission là, en ce vendredi qui s'annonce neigé. Choix. Ben, c'est sûr, c'est différent. On revient à mon vieux punk rock. Ah ouais. Hein, là-dessus, c'est pas trop compliqué. Vivement lundi. Et ensuite, on vous parle de Take Me Out to the Ball Game, Take Me Out to the Crowd. Inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie, extérieur, Campanile. Bon matin, tout le monde. Silence. entre tes yeux. On dit qu'ici vivent des vieux. Quand je suis finalement arrivé dans la grande salle déjà saccagée, les tables de ping-pong étaient les témoins de morceaux d'histoire de l'île bizarre. Il y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Extérieur avec la chanson Camp à Nils, ça bug, ça crie, donc on revient calme là. Oui, fait-on. Fait-on. Internet est revenu. Internet est revenu. Donc, profitons-en pour dire bonjour à nos amis. C'est temps d'ouvrir vos liens, les gars, ils vont replanter dans pas long. Hey, on y va, on va maintenant parler de baseball. Ça a débuté hier là, du côté des ligues majeures, là, tout simplement. Et bon, on y va tout d'abord avec. Ben, on va en reparler, là, je vous le dis tout de suite, on va en reparler ce lundi, le JP Grenier, qui est notre expert baseball, football, basketball, dans le fond, tous les sports qu'on n'a pas le temps de suivre. JP, c'est notre roi des rois, là, soyons francs là-dessus. Donc, hier, les pointages là, dans les ligues majeures, bon, on peut parler des Braves d'Atlanta qui l'ont emporté 2-0 contre les Capitals de Washington, pas les Capitals, qu'est-ce que je dis là, les Nationals de Washington, les Feux Expo. Ouais, les Feux Expo. Les Yankees de New York, là, grâce à une performance assez solide, merci de Curtis Granderson, l'ont emporté 6-3. Parlons aussi des Angels de Los Angeles qui l'ont emporté contre Kansas City 4-2. Les Reds de Cincinnati avec j'ai juste le terme en anglais. Y a-t-il un terme pour ça en français? Walk-off home run. Circuit intérieur. Non, walk-off, c'est... Tu veux dire un babarouette. trois gars, c'est but, un but sur balle, puis il rentre seul. Non, c'est... walk-off home run, c'est... Y a quelqu'un, c'est but, tu dois absolument faire un point, dernière manche, tu la mets dehors, puis tu peux marcher autant que tu veux, de toute façon. Je connais pas le terme. Un circuit gagnant dans parce ce cas-ci. Parce que forcément, c'est ça. Mais le terme est meilleur en anglais, walk-off home run. Tout à fait d'accord. Parce que c'est un circuit qui vide les buts. Ben, forcément, c'est un circuit qui fait que tu t'en vas. Un circuit sur le départ. Écoute. D'accord, c'est le terme. Je vais en parler à Roger, puis on s'en reparle. C'est ça. Mais dans ce cas, c'était un grand chelem. Oui. Oui, parce qu'ils perdaient 4-2, puis ont gagné 6-4. 4 points dans la dernière manche, donc plutôt on perdait 6-3. Et dans la dernière manche, on avait 4 points. Bonsoir, ouais, elle est partie. Quelle performance. D'ailleurs, les Reds, là, parlons-en, ben, on va en parler tantôt, là, mais Joey Votto, qui a été nommé bon meilleur joueur de la Ligue nationale l'an dernier. Et si ça continue, c'est succès, ben, c'est le fun de voir qu'un Canadien est capable d'avoir autant de succès dans les ligues majeures. Bon, après Éric Gagné, on connaît un peu pourquoi qu'Éric Gagné avait du succès, mais quand même, on voit... Rendons à César ce qui revenait à César. Je pense que Gagné évoluait aussi dans une partie du baseball où est-ce que tout le monde était sur le jus de toute façon. Donc, il était pas tout seul. Les autres pointages, San Diego, les Padres qui vont tenter d'émuler leur succès de l'an dernier. Ils ont emporté 5-3 contre les Cards de Saint-Louis. Et finalement, les Dodgers, une victoire de 2-1 sur leurs rivaux de la Californie, les Giants de San Francisco. 4 équipes en Californie en passant. Donc 5 équipes, j'ai le flash comme ça, là, mais. Oakland, San Diego, San Francisco, Anaheim et LA. Los Angeles. LA. Grosse partie du monde du baseball. Ouais, mais c'est un endroit magnifique aussi pour aller jouer au baseball puis pour avoir plein d'équipes. Je veux dire, t'as 5 grandes villes collées dans la même baie ou à peu près. C'est gigantesque en Californie. Moi, s'il y a un endroit aux États-Unis où je m'établirais, c'est là. Ouais. Mais le Wyoming est quand même cool. Si t'aimes ça, les pâturages, là, le Wyoming est quand même bien. Allons-y avec les prédictions. Bon, à quoi faut s'attendre cette saison-là, là, du côté des ligues majeures de baseball? Tout d'abord, dans l'Est de la Nationale. Je vais y aller section par section, messieurs. Dans l'Est de la Nationale, Philadelphie, les Phillies de Philadelphie plutôt, partent comme les favoris dans la Nationale pour atteindre les séries mondiales. Je pense qu'on a une rotation de lanceurs vraiment difficile à battre. Je pense que ça reste vraiment là, un cas où est-ce que les Phillies devraient atteindre au moins les séries, parce que de toute façon dans leur section Atlanta sont pas mauvais, c'est leur première saison sans Bobby Cox, on va voir ce que ça va donner. Hier Bobby Cox, qui a d'ailleurs, ça faisait depuis 1990 que Bobby Cox n'était pas qu'on a eu droit à un match sans Bobby Cox, un match d'ouverture sans Bobby Cox. Enfin, j'imagine il a déjà été suspendu Bobby Cox une fois ou douze. On a, selon moi, là, et je le regardais à TSN justement cette semaine, le meilleur line-up partant, les cinq meilleurs de à peu près tous les temps, là, la meilleure rotation de lanceurs. Et puis on parlait de Tom Glavine, Greg Maddux, il y a pas si longtemps avec GP justement des Braves d'Atlanta, la belle époque des Braves d'Atlanta. Mais écoute, la rotation des Phillies là, elle est honnêtement très très très intéressante. Je suis en train d'essayer de vous sortir des stats là. On en jasera un bien peu. Bien sûr. Donc, Atlanta devrait quand même bien performer. On parle peut-être d'une deuxième position, espérer un meilleur deuxième. Sauf que quand tu évolues dans la même division que Philadelphie, ça va être difficile. Leur chance, par contre, bon, Floride, ça devrait être une année. On va peut-être espérer surprendre, mais ça serait étonné. Washington et New York. Hey, les Mets de New York, ça va pas bien. Plus de Luis Castillo, plus d'Olivier Perez. Yoan Santana est blessé. Carlos Beltran n'est pas à 100%. Jason Bay... il y a le dos qui est magané, il y a des problèmes financiers au niveau de l'équipe, ça va très mal du côté de New York, on s'attendra pas à grand chose. Du côté de la centrale, Saint-Louis, Cincinnati pourrait... Oui, vas-y. Ben, en fait, juste te donner les quatre partants. Roy Halladay, qui va affronter là dans le premier match Brett Myers, mais ça, on s'en fout un peu. Cliff Lee. Ouais, Cliff Lee. Roy Oswalt, Cole Hamels. Cliff Lee qui a vraiment fait, il a regardé l'offre des Yankees, c'est du nom, c'est beau. Ben, c'est beau. Écoute... Tu te joins à une formation, à une rotation de partants incroyable. C'est vraiment là, ça va faire peur. Ça va faire très, très peur. Ah oui, ça va être une bonne équipe. Ouais. Du côté de la centrale, Saint-Louis-Cincinnati, je pense que le combat va être entre les deux. Comme je parlais tantôt, Joey Votto va être un des points canalisateurs, là, bon, des succès des Reds. Sinon, Saint-Louis, bon, ben, même sans Adam et Wainwright, on devrait quand même bien s'en sortir. Et Albert Pujols, bon, en est à sa dernière année de contrat. Vous savez ce que ça veut dire, une dernière année de contrat pour un joueur professionnel. C'est là qu'on doit performer plutôt. Pour le reste, Milwaukee, Chicago, Pittsburgh et Houston, c'est rien qui devrait menacer pour les séries éliminatoires. Et dans l'ouest de la Nationale, le combat va être entre Colorado et San Francisco. Bon, les Giants, qui sont les champions en titre des séries mondiales, on se souvient. Bonne rotation là, du côté des Giants avec Tim Lincecum en tête. Sinon, bon, du côté de Colorado, on a une très bonne profondeur. Bon, on peut parler de Troy Tulowitzki, Carlos Gonzalez, Ubaldo Jimenez aussi, qui devrait aller chercher plusieurs victoires dans le fond, sinon appuyer par la rotation, pas par la rotation, mais la relève. Ça va être intéressant à suivre de ce côté-là. Ça va se passer entre eux et les Dodgers là, dans cette section-là. Les Giants, tu veux dire? Oui, c'est ça. Non, t'as dit les Dodgers. Oui, entre les Giants puis les Dodgers. Non, les Rockies, moi, je te parlais. Ah oh, oui, tu penses que les Rockies... Oui, Rockies avec la qualité de leur lanceur. Parce que du côté de Los Angeles, bon, c'est pas une mauvaise rotation avec, bon, Kershaw, Billingsley, Garland aussi, mais il manque un peu, c'est une équipe qui est un petit peu vieillissante. C'est vrai que ça peut être très intéressant au niveau des Rockies quand t'as un bon line-up de lanceurs puis que la balle voyage énormément au Colorado. Donc la moitié du temps, tu vas jouer chez vous. Si t'es capable d'empêcher justement là, l'adversaire de frapper puis que toi, tu es en mesure de fournir au bâton. C'est vrai que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il y a des bonnes chances que ça donne de quoi d'intéressant là, du côté des Rockies. On le souhaite parce que les Rockies n'ont jamais remporté les honneurs d'un championnat de division. Ou du moins, à ma connaissance, je pense pas me tromper là-dessus. Donc si cette année, ça pourrait être la bonne, mais bon, je compte pas les Giants comme mort, mais absolument pas. On s'en va dans l'américaine maintenant. Bon, dans l'Est, c'est déjà pas mal réglé. On parle que l'équipe des Red Sox de Boston pourrait être la meilleure équipe de tous les temps. Du moins, c'est ce que plusieurs quotidiens de Boston ont déjà commencé à dire. On a mis la main là. On n'est pas chauvin à peu près à Boston. Hein. Mais c'est, peu importe de quel sport on parle, c'est toujours l'équipe de l'année. Ouais, mais du quel... siècle, la décennie. Phil, si je t'envoie à l'épicerie, puis tu me ramènes du filet mignon comme Theo Epstein a ramené, c'est-à-dire Adrian Gonzalez, Carl Crawford, Bobby Jenks puis Dan Wheeler, moi je vais me dire j'ai goût d'aller souper chez vous. Je pense que c'est ce qui arrive de plus en plus du côté des Red Sox. C'est ce qui arrive de plus en plus là, du côté des Red Sox. Avec bon Lester, Lackey, Buckholz, Beckett, Matsuzaka, une rotation aussi à faire rêver au même titre que celle des Phillies. Je préfère quand même celle des Phillies, mais pas tant que ça. La troupe de Terry Francona est de loin favorite. Les adversaires dans l'Est de l'Américaine, ils sont puissants. C'est une division excessivement difficile. Depuis combien d'années c'est la division? Ah, c'est comme ça depuis que les Braves sont sur le déclin. C'est la division qui a pris le relais. C'est ça. Ça a tout à été la division. Et bon, parce que c'est là qu'il y a énormément d'argent. Les Yankees, bon, au deuxième rang... le problème, c'est qu'on a, là, cette année, on a une masse salariale de 200 millions chez les Yankees. On a été chercher quelques gars, mais la rotation, les lanceurs sont pas aussi bons. Russell Martin, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec les Yankees. Premier coup sûr de l'équipe cette année, Russell. Ouais, ben c'est ça, là. Qui va, j'étais pas sûr s'il allait évoluer comme receveur à temps plein, mais on va envoyer Jorge Posada du côté de frappeur désigné. Donc, et Russell, on va voir ce qu'il va faire. Mais c'est une équipe qui est vieillissante un peu et je pense qu'on va manquer de jus. Et une équipe qui pourrait surprendre dans l'Est, c'est les Blue Jays de Toronto. Ouais. Pour une fois. Pour une fois, les Blue Jays pourraient avoir une équipe gagnante. On parle d'une jeune équipe. On s'est débarrassé, bon, du contrat de Vernon Wells. On amène de la jeunesse. Ça peut donner de quoi, mais j'ai l'impression qu'au final, les Yankees vont aller chercher quelques joueurs que les Blue Jays n'ont pas les moyens. Ce qui va faire, bon, qu'ils vont terminer au deuxième rang. Par contre, j'ai hâte de voir. On va peut-être faire un petit voyage à Toronto cet été. Du côté des Rays de Tampa Bay, ben eux qui sont venus brouiller les cartes dans les dernières années dans cette section-là. Et là, on a perdu Carl Crawford, Mark Garza, Carlos Peña, Rafael Soriano, Grant Belfort. Donc, ça va être plus difficile. Là, puis je pense pas c'est Johnny Damon et Manny Ramirez qui vont changer grand-chose là-dessus. Dans la centrale, Minnesota devrait terminer aisément premier. Peut-être les White Sox vont venir jouer un peu, mais je pense qu'en plus, Justin Morneau qui est revenu en santé après une bonne commotion cérébrale l'an dernier, est revenu en santé cette année, donc ça devrait bien aller. Je m'inquiète pas trop. Chicago, Détroit, Kansas City, Cleveland, les bons vieux Indians qui vont finir au même endroit qu'ils finissent dans les films des ligues majeures, c'est-à-dire bon dernier. Non, c'est pas vrai. Ils finissent haut dans les films. Ça, c'est comme les Pirates de Pittsburgh. Ben, j'en ai pas parlé des Pirates. Il y a une raison pourquoi. C'est hein? ça. Ça a jamais... J'ai de la difficulté à comprendre. Les Orioles de Baltimore. Oui. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Comment j'veux ça, dire, c'est ça? Pourquoi nous autres, on a perdu les Expos? Qui quand même, là, bon, oh, mais... oui, OK, on attirait à peu près autant de monde que... Mais 9000 par match. Mais, c'est ça. Mais 9000 par match. Je veux dire, à Pittsburgh, ils ont pas gagné depuis jamais. Baltimore n'ont pas gagné depuis jamais. Il n'y a pas un chat dans les estrades. Et le problème, c'est que le nombre de chats qui vont à Baltimore, c'est déjà supérieur, même 15-20 000. le nombre de chats qui vont là, bon, mais c'est déjà des chats qui payent beaucoup plus cher que ce que les chats payaient à Montréal. En plus, c'est des chats qui... Il y a des chats... Ouais, non, mais c'est des chats qui... C'est le pire jeu de mots de l'histoire. Non, mais je sais pas les chats. Guys, c'est des chats aussi qui vont te payer beaucoup plus pour tes loges corporatives que ce qui se payait à Montréal. Je comprends ça, mais ça reste que, je veux dire, année après année, les équipes gagnent pas, ça se vide de plus en plus. Mais nous autres, les Orioles avaient des bonnes années, mais gars, les Expos, ça paraît, c'est oublie ça, les Expos, là, c'est plate, mais il en reste plus, ben les Expos, on va falloir faire notre deuil. Et dans l'Ouest, alors que Texas a remporté le titre, le Texas, l'an dernier, on avait été champion, on s'est rendu jusqu'à finale contre les Giants, en haut série mondiale contre les Giants. Cette année, ça pourrait être les Aces d'Oakland. C'est une équipe qui est très jeune, des bons jeunes lanceurs. Les Aces devraient surprendre, mais bon, comptez pas Texas. Le titre de meilleur deuxième pourrait aussi se jouer là entre les deux équipes. Pour le reste, les Angels d'Anaheim, c'est pas une mauvaise équipe aussi. Ça va, on devrait avoir des bons duels. Les Mariners de Seattle, de leur côté, vont finir assez loin. Des petites nouvelles là, du côté du baseball. Je voulais vous parler du cas Barry Bonds, mais le temps avance et c'est juste drôle. C'est un cas qui est plutôt pathétique. On est en cours présentement. Barry Bonds qui est accusé de parjure là, parce qu'il dit qu'il s'est jamais drogué, mais pas mal tout le monde se rend compte. Sa maîtresse est allée, une ancienne maîtresse est allée devant le tribunal l'autre fois, a décrit assez aisément son anatomie, ce qui prouve qu'elle a en effet passé plusieurs nuits avec. Et a décrit Bonds comme un... a dit qu'il en parlait, qu'il se dopait, puis elle l'a plus ou moins vu faire. A dit aussi bon que dans les derniers, à travers le temps, il est devenu quelqu'un de pas mal plus bougon, avec une attitude plus mauvaise. Déjà que Barry Bonds avait une attitude de merde. Là, c'est encore pire. Et il parlait aussi que son anatomie avait rétréci énormément. Donc, ça va très bien pour Barry Bonds. Les portes du temple de la renommée te sont ouvertes. Je sais pas, on parlait tantôt de 30 for 30. Il y a eu, j'en ai attrapé une comme ça sur les débuts de la carrière de Barry Bonds. Et justement, le moment où tout s'est mis à basculer. À chambouler. Puis c'est quand même quelque chose d'un peu triste parce que le gars avait pas besoin de ça. Le gars avait besoin de faire ça pour améliorer sa carrière. C'était déjà un excellent joueur de balle. Était déjà promu à se rendre au temple de la renommée. Puis quand il a vu les Sammy Sosa, Mark McGuire, la fameuse course, il s'est dit pourquoi pas, je vais embarquer. Puis c'est là que tout a basculé de son côté. Oui, en effet, et vraiment là, du côté de Bonds, ça en est rendu triste là. C'est quelqu'un que effectivement, ça fait pitié aussi de voir un peu tout le monde se liguer contre lui pour dire qu'il a menti devant la cour. Là. Parce qu'il est pas le seul non plus là, à l'avoir fait. Là, il paye pour tout le monde en ce moment. Oui, très bien dit. McGuire va peut-être un jour entrer au temple de la renommée parce qu'il a réussi à s'en sortir avant que la vague passe. Mm-hmm. Avec la vague de sanctions, mais Barry Bonds, il est dans qui le aussi, trou, là, le joueur des Astros, là, un jeu blanc, bref, c'est pas important, mais également là, un autre gros nom là, qui va s'en sortir quand même assez bien parce qu'il a dit oui, c'est vrai, puis. C'est ça, il y en a quelques-uns qui ont reconnu que c'est vrai. Okay. Et bon, attends. Allez, petite nouvelle à part de ça sur le monde du baseball. A-Rod en poche presque autant que les Royals de Kansas City. Donc, A-Rod, là, qui est toujours sous son contrat de 30 millions par année. 32 millions plutôt par année. Excusez, il en manquait deux. Alors, 32 millions par année du côté d'A-Rod, plus les commandites, là, plus combien le reste. Font les Royals? 36 millions en cette première journée. Hey, c'est pauvre. Ben, c'est triste plutôt, hein? Non, mais je veux dire, c'est quand même pauvre finir l'année avec juste un bénéfice de 36 millions. Là, c'est pas... T'as pas le choix, parce qu'à Kansas City, c'est pas les profits qui sont là, là. Bon, mais tu vois, ça revient à ce que je disais tantôt. Ouais, ça ira pas plus loin, puis Kansas City va encore finir dans les dernières positions là, de son classement. Il n'y a même pas assez de place sur le journal pour les mettre assez bas. Ben, je pense qu'il y a des équipes qui vont finir plus bas que ça. Là. On les a nommés les Pirates de Pittsburgh. Ouais. Hey, petite nouvelle là, qui vient de sortir sur ESPN. C'est dommage, mais la saison de Russell Martin n'aura pas été très longue. Ouais. Selon ce qu'on rapporte, déchirure du ligament antérieur. Russell aurait chuté hier dans les escaliers, un escalier pour se rendre en revenant du terrain. Russell aurait chuté dans les escaliers, déchirure, et on dit que sa saison est terminée. Donc, on va en déduire que Jorge Posada va... Ça, c'est au chapitre des mains dans souffleuse là, de Joe Sakic. On est dans le même rayon. Mais c'est ça, les escaliers comme ça qu'ils mettent dans les stades de baseball en crampons, c'est vraiment pas idéal. Alors, triste nouvelle là, du côté de Russell Martin. On va essayer d'en apprendre plus d'ici le reste de l'émission. Ça va une pause. Au retour, on parle du Canadien de Montréal. Mais tout d'abord, je vous fais une petite fleur. Là. Normalement, on dit pas la chanson qu'on va faire jouer en retour des nouvelles. Mais je l'ai dit ce matin parce qu'on est dans un air de baseball. On va y aller avec petite chanson qui joue ce qu'on appelle le 7th inning stretch là, du côté du Fenway Park. Sweet Caroline de Neil Diamond et tout ça après vos nouvelles. Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de Partie sur les ondes de C'est Fou. N'hésitez pas à nous joindre live à commercial inconduitedepartie.com et sur Internet, là, notre site inconduitedepartie.com. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Au hockey de la Ligue nationale, le Lightning de Tampa Bay s'est assuré une place en série hier grâce à un gain de 2-1 sur les Penguins de Pittsburgh. Le joueur étoile de l'équipe Sidney Crosby n'était toujours pas de la formation. Il a par contre reçu le feu vert de ses médecins et pour recommencer l'entraînement sans contact avec ses coéquipiers. À Boston, les Maple Leafs ont vaincu les Bruins en tir de barrage par la marque de 4-3 malgré une récolte de 1 point. Boston n'est toujours pas assuré de la première place dans la section nord-est. Une autre victoire de leur part et une défaite du tricolore leur assurerait ce titre. À Montréal maintenant, Max Pacioretty se remet rapidement de sa blessure, lui qui avait subi une commotion cérébrale lors du match contre les Bruins de Boston le 8 mars dernier. Il peut maintenant s'entraîner en gymnase et augmenter le rythme de jour en jour. Depuis l'absence de Pacioretty, le Canadien présente une fiche de 4 victoires et 7 défaites. Au baseball, les Yankees disputaient leur premier match au Bronx contre les Tigers de Détroit. C'est un circuit de 3 points de Mark Teixeira qui a confirmé la victoire de New York par la marque de 6-3. À la boxe maintenant, Renan Saint-Just serait le candidat numéro 1 pour le retour dans le ring de Michael Kessler. Le Danois, qui a dû s'absenter du Super Six en raison de problèmes de vision suite à un combat contre Carl Froch, utiliserait le combat comme préparation à un possible affrontement contre Lucian Bouté. Au sport étudiant, c'est en tant que négligé que les Diablos du Cégep de Trois-Rivières et les Dragons du Collège de la Flèche amorcent les championnats de basketball collégial 2A féminin et masculin qui débutent aujourd'hui à Val-d'Or. Les Diablos, l'équipe masculine, entreront en action dès 15h alors que les Dragons, l'équipe féminine, disputeront leur match à 19h. Finalement, dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, les Cataractes seront en action ce soir à l'occasion du 5e match de la série, les opposants Rockets de l'île du Prince-Édouard. Shawinigan pourrait dès ce soir éliminer l'équipe des Maritimes qui mène la série 3-1. Voilà, c'était nos informations de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. Oui, Caroline de Neil Diamond, un classique, hein, n'est-ce pas, mais messieurs en studio, on s'est fait du bien, là. On a relaxé. Oui. C'est assez différent de l'extérieur tantôt. Et je reviens sur la blessure à Russell Martin là, que j'ai annoncé avant la pause, une déchirure ligamentaire après avoir chuté dans un escalier. Eh bien, poisson d'avril, tout le monde. Je sais que j'ai réussi à prendre quelques collègues, mes deux collègues en studio. Ben, je pense que le fait que tu dises, excusez, c'est en anglais, là, puis là, que tu traduises en même temps, là, c'était un bon jeu d'acteur. C'est ça, un acteur talentueux. Ouais. Je veux dire, t'as Rémi Girard au Québec, puis t'as moi. Puis Tom Hanks, là, tout juste en haut, sinon c'est la ouais. même ligue. Et il se joue à nous directement de l'Assomption ce matin. Jonathan Bernier. Ça va bien, Jonathan? He's gone! Jonathan? On a-tu perdu Jonathan? Jonathan! Il te fait un poisson. Attends, on va tenter. Ce serait génial. Est-ce que Jonathan est là? OK. Continue à parler, monsieur. On va tenter de rejoindre Jonathan. Écoute, parlons donc de ton poisson d'avril un peu pittoresque. Oui. J'avoue, je me suis fait prendre. Ouais. Effectivement, la petite portion anglophone là, à difficulté à lire, là, ça, c'était bien bon, bien drôle. Mais écoute, parlons de hockey, vu que c'est ce dont Jonathan va venir nous parler. On pouvait entendre justement tout à l'heure là, que Max Pacioretty serait de retour à l'entraînement en gymnase. Ouais. Un retour potentiel en série peut-être, donc on verra. Jonathan? Hey, c'est pas vrai, ça, là. Notre machine nous lâche ce matin. Jonathan? Oui? Je l'ai! Ah! On a trouvé le problème dans la mécanique du studio. Oui, habituellement, j'entends la petite musique. Là, j'entendais rien. Je commençais à être inquiet. Ben, t'as bien fait d'être inquiet, je dirais. C'est-à-dire que pour expliquer ce qui se passait, quelqu'un t'avait mis en attente. Ah bon? Donc, c'est le petit Julien à la console. Toujours Julien qui est responsable de nos problèmes. Jonathan, tu nous parles, c'est hier, dans le fond, tu écrivais un texte sur Guy Frontenac comme quoi, pour être un fan du Canadien présentement, il faut avoir un estomac solide. Et je pense que tu es directement sur la note. On semble vouloir se compliquer la vie là, du côté du Canadien. Ben oui, mais pour une fois là, qu'on aurait pu, avec une victoire contre les Hurricanes, être à un point d'une qualification pour les séries, ouais. Avant la dernière semaine du calendrier régulier, là, il a fallu encore une fois que le Canadien manque son coup. Et puis, bon, en tout cas, ce que j'écrivais, c'est qu'on commence à être habitué à Montréal parce que, bon, année après année, on attend toujours l'avant-dernier match ou le dernier match pour se qualifier en vue des séries éliminatoires. Attendez un petit peu. On salue tes enfants. C'est qui, ça, là? C'est... Père à plein temps aussi. Regarde, on comprend. Ben, on comprend pas ça, là, pas encore, là, mais... On est d'accord. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que je ramène les fans dans les 12 dernières années. C'est arrivé 5 fois que le Canadien s'est qualifié dans la dernière semaine des séries de la saison. Si on additionne cette année, ça fait 6 fois. Et dans les 4 autres cas, il est arrivé 2 fois où le Canadien n'a même pas participé aux séries, qui était éliminé depuis la mi-mars. Donc, les fans du Canadien, là, je vous trouve assez courageux. Puis là, on voit que l'amour du public pour l'équipe a pas de limite parce que il me semble qu'à un moment donné, moi en tout cas, je me tannerais là d'être obligé de tenir du bout de mon siège jusqu'à la fin de la saison. Là. Mais fait longtemps qu'on n'a pas pu être confortable dans notre position classement. Tu disais, on était dans une sixième position. Toi qui disais que les Canadiens, bon, on ferait pas les séries, de la façon que ça allait, bon, au retour du match des étoiles, tout le monde a fait, bon, ben, c'est correct, on a mal évalué cette équipe-là, puis on va laisser ça aller, parce que, gars, on se dirige peut-être même vers un cinquième rang. Les plus optimistes y allaient pour un quatrième rang, et d'autres même espéraient, bon, un titre de division. Et là, depuis la blessure... Peux-tu mettre ça depuis la blessure de Pacioretty? Il me semble que c'est depuis ce temps-là. Oui, parce que c'est là que ça a commencé la dégringolade. Puis, suivant la blessure de Pacioretty, il y a eu la blessure de ben, en fait, dans le même temps, le Plekanex et ouais. aussi Jeff Ashburn. Ouais. Donc, tout ça mis ensemble... Et Sopold qui joue avec un plâtre, en plus. Sopold qui joue avec un plâtre. Kamel Harry qui a l'air ouais. à être blessé. Il ne veut pas l'avouer, non, mais ouais, on voit qu'il y a des difficultés. Je pense que l'équipe est beaucoup hypothéquée cette fin de saison. Puis ça pourrait. Ben en fait, ça peut. Je pense que la place est assurée grâce à la bonne période qu'ils ont eue là au mois de janvier, là, au retour des fêtes. Mais il s'en est fallu de peu là, pour qu'on rate notre coup encore cette saison. Puis pour revenir à ta question, la dernière fois que les Canadiens ont été à l'aise, là, c'était en 2007-2008 quand ils ont gagné le titre dans l'association. Ça avait été difficile en série, à part de ça. Oui, mais ben ça avait pris 7 matchs contre Boston. Là. Exact. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le fruit du hasard que ça arrive depuis la blessure à Max Pacioretty. Parce que, comme tu disais, Jonathan, il y a beaucoup plus d'éléments que simplement la blessure à Max Pacioretty. Puis je refuse de croire qu'un gars qui a commencé l'année à Hamilton soit à ce point essentiel à ton équipe. Non, c'est ça. Je pense pas que ce soit l'absence de Pacioretty en tant que tel ou la blessure qui a fait virer la saison de barre, tu sais, l'intimidation ou peu importe. Là. Je pense vraiment que c'est ça. C'est toutes les circonstances accumulées qui font en sorte que le Canadien connaît une saison difficile. Puis, si tu rajoutes à ça les blessures de la première moitié de saison, André Markov, Josh Georges, on se demandait à un moment donné comment le Canadien faisait pour continuer à gagner malgré la perte de ses principaux éléments. Bon, ils ont surfé sur une espèce de vague un bout de temps, mais là, je pense que ça les a rattrapés. Les gars de la Ligue américaine, ils font une bonne job, ils travaillent fort, mais à un moment donné, tu vois que en fin de saison particulièrement, là, la coche est plus haute un peu entre le calibre de série, si on veut, de la Ligue nationale et le calibre de la Ligue américaine. Écoute, Joe, c'est toi qui es dans la chambre, là, c'est toi qui vois un peu les gars aller. Est-ce que tu sens de la fatigue dans cette équipe-là? Moi, je sens de la fatigue parce que, bon, si tu regardes moi, je reviens toujours à l'exemple de Roman Amerlik, là, qui joue 25 minutes par match à 36 ans, c'est bientôt 37. Ça, ça tue un gars en fin de saison comme ça. Carey Price, qui est rendu à 69 matchs, là. Justement, on se pose la question, est-ce qu'il faut le reposer? Moi, je crois qu'il faudrait le reposer, mais je pense qu'on peut pas le reposer. Il peut pas rentrer en série en n'ayant pas disputé le dernier match, ça serait... C'est ça. Ben, en plus, tu sais, avec une victoire contre la Caroline, le Canadien était à un point des séries à ce moment-là. On aurait pu se permettre de le reposer peut-être un ou deux matchs parce que bon, ça prenait juste une défaite de la Caroline pour accéder aux séries. Mais là, l'enjeu est encore là. Fait que je pense pas que tu peux te permettre de reposer Price. Donc, ce qui peut arriver, c'est que bon, la fatigue va continuer à s'accumuler. Puis c'est rien de bon là pour les séries, là, peu importe l'équipe qu'on va affronter en première ronde. Puis là, c'est parce que du côté du Canadien, j'ai l'impression qu'on préfère clairement terminer soit 6e ou 7e, mais surtout pas 8e, puis réaffronter les Flyers de Philadelphie. Là. Alors, un affrontement contre les Flyers, là, on peut pratiquement mettre ça en 4 ou en 5, là, parce que dans une série de 4 de 7, il y a toujours un match que tu peux aller chercher. Là. Mais d'après moi, ça ne verrait pas tard au printemps. Là. Tu parlais de Camilleri tantôt, on parle peut-être d'une blessure, là, mais est-ce qu'on pense plus qu'il est comme tanné? On dirait qu'il n'y a pas de motivation. Toi, tu es dans la chambre, là, tu le vois aller. Ouais, mais je pense que c'est pas tanné dans le sens de tanné que ça marche pas. Ouais. Okay. Pas tanné de l'équipe ou tanné de ses coéquipiers, tanné du coach. Il est plus comme c'est de la frustration, puis il cherche un peu. Là, je pense qu'il a marqué un ou deux buts à ses 15 derniers matchs, puis là, ça marche pas. Puis même qu'il a changé son pattern de bâton là pour la dernière rencontre. Hey, ça c'est grave. Ça, quand c'est t'es rendu là okay. C'est pas bon signe parce que tu te cherches là. Le pire c'est que c'est niaiseux à dire, mais ces gars-là, pour avoir un peu travaillé dans le domaine, ces gars-là ont leur propre pattern. C'est pas un pattern que t'achètes. Y a pas personne qui joue avec la coupe sur la kick là. Non, les gars ont tous à l'usine leur propre pattern que quand ils font faire une batch de 60 bâtons pour eux autres, 40 bâtons, on sort le pattern de la grande bibliothèque de pattern et donc c'est quelque chose que tu traînes depuis des années et des années. Et pour avoir vu, je peux vous garantir, les gars, là, pour avoir vu des patterns de certains joueurs, là, vous croiriez pas à ça avec quel genre de curve les gars peuvent jouer avec. Celle qui me fascine, c'est celle de c'est Jason Spezza ou Marianossa courbe, j'allais dire à kink, là, excusez, j'ai cherché le mot pendant une seconde, à courbe, juste à la fin. Tout le reste est bien. Elle est droite, puis elle finit pas non plus comme un bâton de hockey ordinaire, là, plat. Là, elle est mince au centre, puis elle est grosse au bout. C'est assez précis comme pattern tous les gars. Puis s'il y a un pouce de différence ou un millimètre de différence dans la courbe, ben, souvent, il retourne à la compagnie. Donc, je peux vous décrire ça de Vladimir Malahov que j'ai vu. C'était la première fois que je voyais ça. Elle courbait des deux bords. Donc, elle partait en courbant vers comme l'intérieur, puis elle finissait vers l'extérieur. Ou le contraire, je sais plus. Mais courbait vers l'intérieur, finissait vers l'extérieur avec une finition encore là, avec un carré. Je peux vous dire que je l'ai pas essayé. J'avais aucune idée comment il pouvait jouer avec ça. Donc, comme tu disais, Jonathan, là, on n'a absolument pas le luxe de reposer Carey Price là, du côté du Canadien. Non, on n'a pas le luxe de reposer Carey Price parce que, bon, on est encore dans la course aux séries. Alex Hold, les fois qu'il était dans le filet, il a fait de la job, mais c'est jamais quelque chose de convaincant nécessairement. À part quand il joue au Madison Square Garden, on dirait que c'est son arena fétiche. Là, ça va toujours bien à ce moment-là, à cet endroit-là. Puis là, il nous reste les Devils demain, les Blackhawks mardi, les Sénateurs jeudi, puis on finit contre les Maple Leafs samedi. Puis je dirais que de ces quatre matchs-là, il y a peut-être celui contre Ottawa qui pourrait être un peu plus facile. Sinon, ben, on sait, Martin Brodeur, les Devils, ils connaissent toujours du succès contre le Canadien. Après ça, bon, les Blackhawks sont dans une lutte à finir, eux autres aussi, pour une place en série. Là, ce matin, ils sont 8e. Fait que c'est pas sûr pour eux autres non plus. Donc, ils vont lutter avec l'énergie du désespoir. Et puis, dernièrement, on a vu que les équipes qui ont l'énergie du désespoir contre le Canadien en viennent à bout parce que le Canadien, on dirait qu'il y a des difficultés un peu avec ce sentiment d'urgence-là. Donc, les Sénateurs, bon, on connaît un peu l'équipe, là, les difficultés qu'ils ont connues cette saison. Donc, ça pourrait être peut-être un peu plus relax. On pourrait peut-être mettre Alex Hold à ce moment-là. Et finalement, contre les Maple Leafs, bon, la rivalité aidant. Et si les Maple Leafs peuvent être éliminés? Ben, en fait, s'ils peuvent sortir le Canadien, parce qu'on sait pas où on va être à ce moment-là, là, mais s'ils ont une chance de sortir le Canadien des séries, ils vont se faire un plaisir de le faire. Ouais. On se souvient, en 2006-2007, je me trompe pas. Bon, on l'avait eu, ce match-là aussi. Qu'on avait eu ce match-là où est-ce que Toronto avait éliminé le Canadien à la dernière minute. Là. Ouais, avec une balle de ping-pong, en plus. Vous vous souvenez du dernier but? Ça avait fini quelque chose comme 7-6 là, sur une rondelle qui a revolé, puis fini par passer par-dessus l'épaule de Huet. C'était... Et le pire là-dedans, c'est que je pense que le Canadien menait 5-2, si je ne me trompe pas. Exactement. 4 ou 5-2, puis c'était fermé. Ouais, c'était un tir de la ligne bleue, il y avait... De l'autre ligne bleue. Bref, c'était triste. C'était pas très chic à voir. Jonathan, de toute façon, selon ton collègue Marc Defoy, quand même bien que le Canadien accède aux séries, et même peu importe où ce qu'ils vont te classer, ne nous agaçons pas, là, on n'ira pas chercher la Coupe Stanley. Là, du côté. Non, lui, en fait, le titre de son texte, d'ailleurs, c'est « Le Canadien et la Coupe Stanley, mission impossible ». Il a recensé tous les gagnants de la Coupe Stanley depuis la dernière Coupe du Canadien en 93. Et puis, depuis ce temps-là, c'est arrivé seulement à deux occasions que l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley faisait pas partie du top 5 de la Ligue au complet. Donc, c'est les Devils en 94-95, la saison écourtée par les conflits de travail, là, qui avait terminé 9e au classement général, et puis les Pingouins, il y a 2 ans, qui avaient terminé 8e. Sinon, là, ce sont toutes des équipes là, qui ont fini 5e ou mieux au classement général. Donc, tu sais, des surprises comme l'année passée, le Canadien en demi-finale, ça se peut que ça arrive, là, mais c'est pas mal le plus loin qu'une équipe qui finit dans le bas du classement admissible aux séries peut se rendre. En tout cas, statistique à l'appui. Là, il peut toujours avoir des surprises, mais disons que c'est assez rare. En même temps, oui, il y a eu des surprises. Bon, il y a quelques surprises, mais dans les dernières années, là, je pense dans les années 2000, c'est arrivé quelques fois que le finaliste, par contre, à la Coupe Stanley, était loin d'être une équipe de premier rang. Bon, je pense à Philadelphie, les Flames de Calgary, les Oilers d'Edmonton, les Hurricanes de la Caroline, la première fois qu'ils ont été. Tu vois-tu une donne? Tu vois-tu un changement à la façon de faire un peu? Le fait qu'on va avoir des surprises comme ça à la longue. Bon, tu me diras, oui, mais il y a aussi eu Détroit-Pittsburgh. Quoique Pittsburgh, t'es classé 8e cette année-là, donc... Je ne sais pas si il y a quelque chose qui change dans les séries. Mais d'un autre côté, le classement, tu sais, oui, la statistique de marque est excellente, mais il ne faut pas oublier aussi que les classements sont quand même serrés. Là. Souvent, bon, tu as le premier ou les deux premiers de chaque association qui sont vraiment en avant des autres. Et puis, par la suite, c'est un peloton, finalement, là, qui souvent, il y a quoi, 8 points qui séparent, disons, la 3e de la 8e. Donc, je te dirais que dans ce lot d'équipes-là, c'est sûr qu'il y en a une qui peut être un peu plus loin, qui peut sortir du lot. Mais en bout de ligne, tu te rends compte que les 4 premières là sont toujours une coche au-dessus des autres, les 2 premières de chaque association. Donc c'est pour ça que souvent on dit que la crème remonte, finit toujours par remonter. Oui, et, bon, c'est bon vieux cliché, mais ça se répète souvent. Ça sert des clichés. Donc, si on se fie à cette année, on pourrait voir probablement ou les Flyers dans l'Est, les Capitals, même si t'es encore là dans l'Est, c'est encore très serré. Mais si tu regardes dans l'Ouest, t'as les Canucks qui sont dans une classe à part, ouais, avec 113 points. Là. Moi, j'ai bien l'impression. En tout cas, moi, c'est à l'approche des séries. Quand va être le temps de faire mes prédictions, ça va être mes favoris. Ouais, en tout cas, si la Coupe au Canada, c'est sûr, c'est au Canucks, c'est pas à Montréal. Ouais. Mais non. Dans le cas du classement, je trouve ça un peu... Tu sais, c'est partagé parce que le Canadien a été vraiment blessé incroyablement cette année, encore une fois, mais malgré tout, on se tient quand même en sixième position. Là, on a un creux de vague en fin de saison, mais si on se rappelle bien l'année passée, c'était exactement la même chose. On a toujours à peu près un creux de vague en fin de saison. Et puis, tu regardes les équipes qui sont au sommet, la majorité n'ont pas vraiment connu de grosses blessures, à part peut-être Washington, là, où on a manqué Mike Green, évidemment, mais bon, du côté de Washington, la force de frappe est tellement grande qu'on peut se permettre de gagner 7 à 6 à tous les soirs. Boston n'a pas été blessé, puis en plus, on a un Brad Marchand puis un Milan Lucic qui connaissent des saisons drive. Tu sais, je trouve que le classement n'est pas nécessairement toujours là dans le cas où la statistique de Marc donne raison, me donne tort en fait et lui donne raison, mais j'ai l'impression que souvent le classement dépend beaucoup plus des circonstances de la saison que du réel potentiel de l'équipe. Ouais, ben moi je suis un peu d'accord avec toi, mais moi je vais te revirer ça de l'autre côté en disant que justement chaque équipe au cours d'une saison connaît toujours un creux de vague. Mais mm-hmm. Si tu parles des Capitals, on se rappelle là à l'aube de la classique hivernale. Ouais, on l'a vu dans la série. Ouais. Donc chacune des équipes a au cours de la saison une période creuse. Puis là, ça donne que le Canadien, bon comme l'année passée, c'est en fin de saison. Ça, je pense qu'au bout de la ligne, justement, ça vient à équilibrer toutes les données. Puis c'est ce qui faisait en sorte qu'on se disait, waouh, le Canadien est quatrième, tu sais, encore une chance d'être troisième en joignant les Bruins. Mais le problème était qu'ils n'avaient pas encore connu leur mauvaise passe à eux. Tandis que là, ils arrivent présentement, puis ça les fait dégringoler au classement, puis je pense que ça les fait retomber à l'endroit normal où ils devraient être finalement. Là. Mm-hmm. Messieurs, juste une petite nouvelle là, qui vient de tomber. Ce matin, à l'entraînement, Pacioretty et Markov sont sur la glace en solitaire, en duo terre. Mais, ouais. Wow! Je me suis dit, tiens, je vais inventer un mot en ce 1er avril. Mais ouais, en duo, donc, travaille ensemble là, avec... Brandon Ben, probablement. Ouais, exactement. C'est Pierre Allard qui Pierre Allard, OK. Ouais, donc, mais Brandon était juste là sur le bord de la glace. Là, on le voyait très attentif à la chose. Peut-être un retour, on en parlait justement avant ta chronique, là, Jonathan. Peut-être un retour en série, si deuxième ronde il y a. Ouais. J'en parlais avec un ami aussi. Là, la seule façon dont on voit le Canadien passer en deuxième ronde, c'est d'affronter Boston et de retrouver une certaine énergie là, qu'on avait en début de saison. Ce qu'on a perdu, là, évidemment, là, depuis les derniers temps. Et la fameuse série contre Boston est toujours pleine de surprises. Exactement. On trouve toujours une façon de l'emporter. Oui. L'autre fois, je parlais avec un collègue, puis il disait, le Canadien, à chaque fois qu'il joue contre les Bruins, le trois quarts des séries, il l'emporte, mais il disait ça comme, il lançait une statistique de même au vent, mais c'est effectivement le cas. Là, 24 séries sur 32 se sont terminées à l'avantage du Canadien, donc c'est vraiment 75% du temps, le Canadien l'emporte. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a toujours les bons vieux fantômes, j'imagine, là, où c'est historique, c'est peut-être psychologique aussi, en quelque part, là. Vas-y. Non, ben en fait, j'allais dire que si Canadien joue à son plein potentiel, ça va jouer en fait sur les 3e, 4e trio, dans le sens où premier, deuxième trio des Bruins et du Canadien à leur plein potentiel, encore une fois, ça va s'annuler un peu. Je veux dire, on est à peu près égal à ce niveau-là. Côté du 3e trio, du côté des Bruins, on est beaucoup plus solide, beaucoup plus gros. Je suis pas certain qu'on peut marquer plus de buts. Sur la 4e ligne, par contre, là, en série, t'avoues pas très souvent. Du côté des Bruins, on va l'avoir encore moins souvent parce que c'est pas nécessairement une ligne qui est très offensive. Ça pourrait jouer là, puis évidemment, ben dans les buts, Tim Thomas, oui, est formidable cette année, mais est toujours capable quand même d'une contre-performance magistrale qui lui retirerait une confiance là, nécessaire en série. Ouais, puis le Canadien s'en met son équipe, sa bête noire. Exactement, en plus. Mais bon, est-ce que ça tient plus du vœu pieux que de la statistique? Je crois bien que oui, mais qui sait, en série, tout est possible. Non, et surtout en première ronde, c'est toujours la ronde où il y a le plus de surprises. Ouais, ouais, ben il y a plus de matchs aussi. Oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais des prédictions à chaque ronde, puis si tu as une ronde à mettre des clubs où ils ne sont pas supposés gagner sans première ronde, après ça, à partir de la deuxième ronde, habituellement, là, tu y vas avec le favori. Ben Jonathan, merci beaucoup de t'être joint à nous ce matin. Ça fait plaisir. Donc, on te souhaite une bonne fin de semaine. Ben, je souhaite une bonne dernière semaine de calendrier régulier, en espérant qu'on soit, que le Canadien soit qualifié pour la semaine prochaine, lorsqu'on va se parler. qu'on ait assez de stock là, justement en anglais, qu'on a aussi assez de contenu pour parler du Canadien jusqu'à la fin du mois d'avril. Ouais, exact. Salut Jonathan. OK, bye. Bonne semaine. Donc c'était Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. On s'en va à une pause et au retour on parle des Bulldogs un petit peu d'Hamilton rapidement et des Patriotes, la clé de la semaine. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Un homme, Mathieu Plante. Sa mission, se frayer un chemin à travers la gigantesque discothèque de C'est fou depuis ses débuts en 1997. À l'émission C'était fou, une semaine précise est choisie dans l'histoire de la station. Vous entendrez quelques pièces des palmarès francophones et anglophones, ainsi que les positions numéro 1 du moment, pour accompagner un extrait d'une émission qui était en onde à l'époque. C'était fou, c'est fou, rembobiné. Tous les jeudis à 13h, en rappel les mardis à 9h. Vous voulez gagner un sac cadeau Cheerios d'une valeur de 50$? Vous savez, les Cheerios ont toujours procuré les bienfaits de l'avoine. Saviez-vous que les fibres d'avoine contribuent à abaisser le taux de cholestérol? Eh bien, une portion d'une tasse de Cheerios fournit 30% de la quantité quotidienne recommandée de fibres, dont l'efficacité est démontrée lorsqu'il s'agit de contribuer à abaisser le taux de cholestérol. Écoutez les émissions quotidiennes durant la semaine du 28 mars et courez la chance de gagner les sacs cadeaux Cheerios. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Ah, c'est fou dans vos oreilles. J'ai enlevé un patin en plein match pour frapper un adversaire. Je suis le seul à l'avoir fait ça. L'inconduite de partie. Yeah. 3-3, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends 3-3. Ouais, écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On vient de parler du Canadien de Montréal. On va maintenant parler des petits Canadiens, c'est-à-dire les Bulldogs d'Hamilton. Marc-Antoine, qu'est-ce qui se passe du côté de la ville de l'Acier? Ben là, on est tout à s'interroger si les Canadiens vont faire les séries, mais on se demande pas qu'est-ce qui se passe du côté d'Hamilton. Mais il reste 6 parties à jouer. OK. Pour commencer. Quand la dernière fois que je vous ai parlé, là, on était pas mal tout le temps en premier rang Division Nord, sauf la dernière fois lors du bulletin. Présentement, avec toutes les rappelées du côté d'Hamilton, on est descendu au troisième rang. Par contre, on ne devrait pas descendre plus bas que ça parce qu'on a une avance de 6 points sur Toronto qui nous suit avec 6 parties à jouer et on a aussi un match en main sur Toronto. Donc, on ne devrait pas descendre plus bas que ça. Et on peut encore rejoindre Manitoba qui est au premier rang parce qu'ils ont 90 points et une partie de moins à disputer que nous. Lors du dernier bulletin, je vous disais aussi que il est en train de traverser une période plus difficile avec 4 défaites de suite. Okay. Je vais vous résumer la semaine à peu près des Hamilton. Ça a commencé dimanche contre Riverman. Ils ont retrouvé le chemin de la victoire, 3-1. Mardi, c'était le début d'une série aller-retour contre le Heat. Aussi, gagné 3-1. Dawes a fait un but, une passe, tout comme Paluchai dans ce match. Mercredi, le match aller-retour contre le Heat, 4-1. On a fait un à Botsford, Hamilton, OK. Parfait, puis dans ce match-là, Nigel Dawes a fait son tour de chapeau. Qu'est-ce qui marche à Hamilton, contrairement à Montréal, c'est que les gros noms, c'est eux qui produisent. Le premier trio qui est composé de Nigel Dawes, Paluchai et Dustin Boyd, ils ont 14 points lors de la série aller-retour contre le Heat, c'est quand même bon. On voit pas ça à Montréal, non, les gros joueurs qui produisent... juste pour vous dire, Dawes, il a 38 buts cette saison, 24 assists. Lui, il avait commencé avec les Wolves de Chicago. Juste à Hamilton, il a 11 buts, 7 passes pour 18 points en 13 parties. On se rappelle qu'il a joué 2 parties, je crois, à Montréal, Nigel Dawes. Ouais, il a été rappelé l'espace d'une semaine environ, là. Il domine d'ailleurs la ligue avec ses 38 buts, là, pour, du côté de la ligne américaine. Paluchai en 62 parties, 19 buts, 31 assists. Il est plus le playmaker, comme on dirait dans le métier, pour 50 points. Dustin Boyd, lui, qui avait joué à Montréal aussi, quelques parties. En 41 parties, 17 buts et 8 passes. Ça, c'est le premier trio du côté d'Hamilton. Ils produisent, juste pour vous dire, Dawes, c'est le premier pointeur de l'équipe. Paluchai, c'est le deuxième. Et Dustin Boyd, il arrive au septième. Donc, le premier trio, c'est un gros trio. C'est là qu'on peut dire une bonne marge avec la Ligue nationale. Là, parce qu'on a un article de Luc Dansneau, qui travaille pour RDS. Luc Dansneau, oui. Bon, ouais, ça. Okay. Il a fait un article justement sur Dawes qui disait trop fort pour la Ligue américaine, mais pas assez fort, mais pas assez. T'sais. C'est le cas de plusieurs joueurs. À toutes les fois qu'on parle un peu de la Ligue américaine de hockey, c'est souvent ce qui revient. Il y a plusieurs joueurs qui sont trop forts pour le calibre, mais pas assez forts, qui vont devoir aller finir leur carrière en Europe parce que on les étiquette comme ça, puis le monde, après, bon, on leur a donné, mettons, 3 opportunités de se faire voir dans la Ligue nationale. Encore là, se faire voir, c'est relatif, ça dépend ce que t'obtiens. Et là, on fait, bah, il y a eu 3 opportunités, les autres équipes, bon, regarde. Premièrement, il tombe qui est plus dans les plans de son équipe principale. On le laisse aller ou on l'échange contre une douzaine de bâtons puis une chaudière de puck. Et l'autre équipe, bon, va l'essayer une fois. Et après ça, les autres équipes, bon, non, gars, il a pas l'air d'être capable. Alors que le joueur est peut-être capable, tu sais, un Mathieu Darche, mettons, qui est chanceux de jouer dans les nationales, là, disons-le comme ça. Parce que ça en était un, ce qu'on appelle un career minor leaguer. C'est-à-dire, il y a du talent, mais juste pas assez pour monter la coche. On voit qu'il y a une tête sur ses épaules, Darche aussi, lors de cette entrevue. Ça paraît. Il y a aussi les équipes étoiles qui ont été sorties. Il n'y a pas de joueurs d'Hamilton qui ont été choisis sur la première équipe d'étoiles. Par contre, sur la deuxième, Nigel Dawes est présent avec ses 38 buts dans le meilleur marqueur de la ligue. C'était un peu normal de le voir là. Et Dawes aussi, quand on l'avait changé, là, on se doutait qu'il allait rester à Hamilton. Là, on le disait même que c'était un joueur pour la ligue américaine. Il y a aussi le gardien Curtis Sanford, qui est au deuxième rang chapitre des buts alloués avec 1,93 par match. C'est pas beaucoup, en bas de 2, c'est très bon. Et un pourcentage d'efficacité de 930. Malheureusement pour lui, il est blessé, il ratera le reste de la saison. Blessé à une épaule. Il est remplacé par Drew McIntyre, qu'on a eu en l'échange de Brett Fisterling, qu'on a eu lors de l'échange de Maxime Lapierre. Du côté de Naheim. Ouais, et lui, ça l'aide jouer pour Hamilton. Il a augmenté baisser son niveau d'efficacité avec Chicago, qui jouait pour les Wolves de Chicago lui aussi. Il y avait un pourcentage d'efficacité de 906,906 et Hamilton, il a monté ça à 934. Et il performe assez bien. C'est sûr qu'en 15 parties, 7 victoires, 8 défaites là, avec les défaites en prolongation au tir de barrage. Par contre, 2,05 buts alloués par match. On peut pas vraiment mettre ça sur sa faute, là. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'appui à l'attaque à la Ouais, ben c'est ça que je m'en allais dire. On est peut-être à un joueur près là, du côté d'Hamilton d'avoir une équipe capable d'aller gratter un peu pour la Coupe Calder, mais de toute façon, comme tu disais, là, on évolue dans une division qui est assez serrée. Merci là. Ouais, tu parlais de la division Nord avec le Moose puis Lake Area. 90-80. Il n'y a aucune équipe dans cette division-là qui est assurée de faire les séries, alors que, bon, si tu regardes Wilkes-Barre, Scranton, 107 points, là, le club école des Penguins de Pittsburgh, tout va sur des roulettes. En terminant, Marc-Antoine, pour ceux qui se demanderaient comment que ça va pour Frédéric Saint-Denis, l'ancien Patriote, Saint-Denis connaît présentement sa meilleure saison en carrière là, du côté de l'Américaine, 21 points en 70 matchs, mais bon, c'est quand même relatif à l'an dernier où il avait obtenu 17 points en 59 matchs, une fiche de plus 16 là, pour l'ancien des Patriotes de l'UQTR. Je vais vous dire les prochains matchs pour dans le fond il y a ce soir ils affrontent le Lac Erie à 7h30 et demain ils disputeront leur dernier match à Hamilton contre les Moose du Manitoba. Oh, donc deux matchs assez importants, merci. Oui. Là, contre les deux meneurs contre les deux équipes qui sont en avant deux au classement. Ben merci beaucoup Marc-Antoine. Ben ça fait plaisir. Petite nouvelle là avant d'aller aller en musique, ben c'est une de nos le dernier Patriote de la semaine là, qui a été nommé lundi dernier. C'est sans trop de surprise Vincent Guécoté, là, le gardien de but de l'équipe de soccer qui a réussi deux arrêts et demi, disons-le comme ça, là, un qui avait été refusé lors des fusillades là, pendant le match la finale au soccer intérieur. Donc, félicitations à Vincent. Et encore une fois, félicitations à l'équipe des Patriotes soccer qui l'ont emporté, qui ont ramené une bannière aux Caps. On s'en va à la musique, on s'en va écouter Ariel avec la chanson Après le crime. Et au retour, on parle de boxe. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. N'hésitez pas à nous visiter, inconduitedepartie.com. Fuir le tir, perdre le fil. Il était temps de la mettre. Ouais, il était temps de la mettre. Je voulais la mettre, j'ai essayé de la mettre, je voulais la mettre et je vais te la mettre. Le conduit de partie. Des nouveaux Heidi, Nicolas. Hey, j'ai travaillé fort, là, pour les Heidi. Avant de tomber malade, là, depuis trois jours. Gilmore, toujours plaisant. Un coup de poing comme ça fait une magnifique introduction pour notre prochain segment. Parlons boxe. Écoute, parlons boxe. Messieurs, on a eu droit à une magnifique conférence de presse du côté de Montréal en début de semaine entre Jean-Pascal et Bernard Hopkins. N'importe quoi. Allons-y comme... Quoi? Comment n'importe quoi? Moi, Jean-Pascal, il m'a déçu. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé bébé. C'est lui qui aurait dû prendre la suce. Parce que quand que la personne en conférence qui a crié « Need a blood test ouais. », Jean-Pascal, « Need a blood test for what ?» Après ça, il... Ouais, là il embarque dans le jeu, tu comprends. As-tu vu seulement la séquence de RDS où t'es allé? Moi j'ai approfondi un peu ma recherche parce que je suis un peu un fan de boxe là. Et la séquence complète du vidéo, ça passe beaucoup mieux que blood test for what, puis là plus tard on ask him to take a blood test puis blablabla. Ouais. Are you willing to take the test, avec un accent québécois magistral, hein? Ouais. Are you willing to take the test? Take the test. J'adore. Non mais on s'entend que c'est pas respecter un athlète comme Bernard Hopkins. T'es à boxe en conférence de presse, il y en a une autre à New York. T'es en train de faire la promotion de ton combat. C'est pas une question de respecter ou pas. C'est comme ça que ça marche. T'es en train de faire, m'a dit comme Régis Lévesque, t'es en train de promoter ton combat. Oui. Tu sais, tu promotes. Fait que, et ça, Hopkins a embarqué dans le jeu. Tu sais, ouais, Hopkins qui pousse Pascal qui répond, qui continue. C'est comme ça que ça marche. Mais tu vas être d'accord avec moi que Hopkins a perdu les pédales quand quelqu'un a poussé Jean-Pascal, mais après ça, Jean-Pascal a perdu la tête. Ces gars-là, c'est des acteurs en conférence de presse, puis ils sont là pour ça. Pourquoi tu penses qu'ils sont 33 gars de chaque côté, plus baraqués que les boxeurs? C'est pour faire un show. C'est comme à la lutte, là. C'est la même affaire. C'est pour vendre le show. La plus belle affaire... Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a vu, ça a circulé sur Internet, on n'en a plus finir. Le lendemain, il y avait 3-4 personnes de plus à la conférence de presse. Exactement. 3-4 journalistes. Conférence de presse qui va avoir lieu à New York va être complètement pleine. Hopkins n'a pas fait mieux non plus en disant « J'espère qu'il va laisser sa peau lors du combat du 21 mai. » C'est pas la première. C'est de la boxe. Là. C'est pas la première déclaration de mort qu'on entend dans une conférence de presse. Ça a toujours été. Non, mais c'est déjà arrivé, par exemple, des morts en boxe. C'est déjà arrivé des morts en F1, c'est déjà arrivé des morts dans une cuisinière. C'est, je veux dire, des morts, ça arrive partout. Tu peux pas t'arrêter à ça. Je veux dire, le gars, il embarque sur le ring en sachant très bien ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver. Et je veux dire, Mohamed Ali qui attendait George Foreman à la sortie de l'aéroport avec toute sa délégation à jouer des tam-tams en disant que le champion venait d'arriver, ça date pas d'hier. Énerver l'adversaire et se faire énerver. C'est comme ça qu'on vend la boxe. Tu as un théâtre à l'entour de la boxe que tu dois absolument prendre en considération et qui est encore plus flagrant chez les Afro-Américains. Le trash talk chez les Afro-Américains, c'est dans la culture. C'est parfait parce que je peux te dire que quand je voyais Reggie Miller aller dans la NBA, il était incroyable à voir comment il pouvait rentrer dans la tête des joueurs de lui. Et c'est ce qu'on tente de faire des deux côtés. Et c'est encore pire à la boxe parce que c'est encore plus important, devrais-je dire, à la boxe parce que c'est ça qui vend des billets. T'as l'influence de Mohamed Ali, t'as l'influence de Don King aussi là-dedans qui fait en sorte qu'on s'identifie, puis c'est comme ça qu'on vend le sport. Puis c'est comme ça que ça doit être vendu, selon moi. La boxe, c'est un sport entertainment dans le même chapitre que la lutte. Tu peux pas être gentleman à la boxe. Tout à fait. Si les deux gars se resserraient la main, c'est beau, félicitations, entraîne-toi fort, j'aimerais ça que tu sois à 100%. Ça sera pas un combat de boxe. Là. Pourquoi? Les deux gars, on a juste... Parce que c'est pas de même. MMA, il y a Georges St-Pierre, le plus gentleman, c'est lui qui est numéro un partout. Georges St-Pierre est l'exception qui confirme la règle. Exactement. Georges St-Pierre là restait bien calme quand Matt Hughes parlait contre les Québécois. C'est pas du tout la même dynamique. Non plus. C'est pire. Le combat extrême, c'est un sport qui est très jeune et c'est un sport qui est très à risque de débordement. Georges St-Pierre, en tant qu'ambassadeur de ce sport-là, agit de façon merveilleuse en calmant le jeu puis en démontrant que les athlètes qui font du MMA sont quand même des gens intelligents, qui sont calmes, qui ont une bonne vie, qui ont un bon aspect puis qui font ça par bonheur et par goût du dépassement humain. au niveau de la boxe, c'est un sport qui est très vieux, qui est très conservateur, qui a ses marques, qui a ses champions et ses façons de faire. Et c'est comme ça qu'on vend la boxe. Et c'est beaucoup plus un spectacle, la boxe, qui est moins un peu à risque de débordement que les MMA. La boxe, c'est un jeu d'échecs. Et ça ne se passe pas que sur le ring. Ça part de la signature du contrat à l'entraînement devant les médias, aux conférences de presse, à l'entrée sur scène et au combat par la suite, et même à l'après-combat. Et c'est comme ça, c'est un spectacle qui dure pendant 6, 7, 8 mois. Et il faut amener un build-up, amener l'événement. Surtout pour un combat revanche. Exactement. Là. Surtout pour un combat revanche. Il y a de fortes chances d'en avoir un troisième Hopkins Pascal. Il va falloir que Dawson passe avant, peu importe qui est gagnant. Parce que là, et là, bon, vous en êtes là-dessus. Le combat Dawson Pascal, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Quoique, écoute, il va falloir que Jean Pascal a l'air d'avoir peur de Bernard Hopkins, mais assez solidement, merci. Ouais. Moi, j'aime bien ce qu'il a dit en après-conférence de presse, c'est que au premier combat, je l'ai respecté parce que c'est une légende, puis ça m'a coûté cher. Il dit toute ma carrière, j'ai pas nécessairement. Et là, la notion de respect à la boxe, c'est pas du tout la même. Là, pensez pas que Jean Pascal n'a pas de respect pour Bernard Hopkins. C'est pas du tout ça. Mais quand il dit cette fois-ci, je le respecte pas, c'est qu'il le bouscule dans ses habitudes. Ouais. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va aller sur le terrain de Hopkins. Parce qu'Hopkins est une tête incroyable de boxe et est capable de jouer sensiblement tous les styles de boxe, tous les types théâtrales de la boxe. C'est une légende, même à 45 ans, ça reste un des meilleurs. Et ce qu'il a dit en conférence de presse lorsqu'il a reçu Tu restes longtemps au sommet. Exactement. Lorsqu'il a reçu la ceinture de légende, ils sont quatre à l'avoir eu. Ouais. Justement. Et là, Hopkins embarque dans le jeu, dans le train de la promotion du match. Et ça va être incroyable, extrêmement intéressant lors du combat. Et c'est ça qu'on veut faire, parce qu'on veut toujours, quand t'as Hopkins et Pascal dans le ring, que ce soit le combat de l'année. C'est ce qu'on cherche à faire. Surtout que là, cette année, on va être en finale, si on veut, contre les demi-finales du Super Six dans la light heavyweight, dans la catégorie de Lucien Bouté. Et là, on risque d'avoir 3-4 excellents combats. Et évidemment, on veut toujours se démarquer, parce que c'est comme ça que tu montes au classement. C'est comme ça que t'obtiens des combats plus intéressants. Et dans le cas de Jean Pascal, dans sa catégorie, il n'y a pas vraiment d'autres adversaires intéressants que Bernard Hopkins. On a fait sensiblement le tour là, du côté de Jean Pascal, et contrairement à Lucien Bouté qui, lui, attend la fin du Super Six pour justement pouvoir démontrer ce qu'il est capable de faire. Et il y a des combattants beaucoup plus intéressants dans la catégorie de Lucien Bouté. On pense à André Ward, Carl Froch, entre autres. Et dans le Super Six, là, il y a un affrontement entre Arthur Abraham et André Ward. Ça va être probablement le combat de l'année. Donc, du côté de Jean-Pascal, Bernard Hopkins, on se doit justement de promouvoir le combat, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener les médias, amener l'éclairage sportif, mais non seulement celui du sport, celui également de la société qui couvre d'autres aspects du sport, pour avoir une bonne tribune à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai vu la conférence, comme tu disais, sur RDS. C'est le seul endroit que j'ai vu la conférence. Et je suis d'accord avec ça, la promotion par le trash talk puis tout ça. Mais l'impression que j'ai eue, c'est de voir Jean-Pascal qui était pas en pleine confiance et qui est resté combien de temps sur le test sanguin? Ouais, il est resté trop longtemps. Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, dans le sens où, évidemment, je pense pas que Jean-Pascal ait toute sa confiance. Sauf que d'aller jouer sur ce terrain-là, c'est son terrain. C'est là où il va retrouver cette confiance-là. Évidemment, il sait bien qu'il l'a perdu le dernier combat. Dans le sens où, oui, c'était nul majoritaire. Oui, ça devait être nul majoritaire. Mais Jean-Pascal devait gagner ce combat-là. Personne s'attendait à ce que voir ce que Hopkins a fait. Contrairement maintenant, maintenant on attend un combat beaucoup plus serré. On attend Hopkins peut-être vainqueur. Donc c'est le temps pour Pascal de se donner de la confiance en embarquant dans son rôle. Et justement, c'est le propre de Jean Pascal d'être cocky, d'être baveux, d'amener son adversaire à perdre les pédales. Et il a gagné un peu en faisant ça. Et Hopkins, lui, en boxeur extrêmement intelligent qu'il est, lui donne cette impression d'avoir gagné, selon moi, en justement ayant entré dans la danse de perdre les pédales pendant la conférence de presse. Puis Hopkins est toujours une longueur d'avance de son adversaire, et ce, tout au long de la promotion du combat. Ouais, on le dit très intelligent en conférence de presse, Hopkins. C'est un des joueurs, un des boxeurs les plus sublimes à voir aller, parce que justement, il est jamais pris à contre-pied. On a vu quand il a reçu la suce, très bien réagi. Il s'est levé debout, a remercié Jean-Pascal parce que on a eu un shower, puis on n'a pas eu de suce. Donc là, on a notre suce, on est super heureux, merci. Et ça a super bien été. Hopkins s'attendait à recevoir du respect comme il l'a eu dans la première conférence de presse. Il l'a pas reçu, mais a très bien navigué avec ça, puis ça va être super intéressant. Ça va être intéressant, ça c'est sûr et certain. Et la carte de boxe pour ce 21 mai s'annonce assez solide, merci. Au Centre Bell. Bon, ben, il va y avoir aussi Chad Dawson contre Adrien Diaconu. Et bon, le gagnant de cet affrontement-là, qui, à mon avis, devrait être Dawson, va affronter le gagnant Pascal Hopkins, à moins qu'il y ait une autre nulle. Je sais pas comment on va procéder dans ce cas-là, parce que Dawson doit être tanné d'attendre. Il était supposé avoir une revanche contre Jean-Pascal. On y avait finalement été pour Hopkins et la nulle a mis un peu de brume dans le paysage. Et là, on va voir. Et bon, on parle aussi de, pas pour cette carte-là, par exemple, là, mais d'un éventuel combat entre Renan Saint-Just et Mikael Kessler du côté du Danemark quelques semaines plus tard, là, le 4. Préparez-vous à avoir Saint-Just avec une défaite là-dessus, là, à moins que Kessler voit encore double, lui qui est toujours ennuyé par des problèmes de vision. On s'en va une pause au retour. On parle avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice en direct de l'île du Prince-Édouard. On parle des cataractes de Shawinigan. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89-1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Au hockey de la Ligue nationale, le Lightning de Tampa Bay s'est assuré une place en série hier grâce à un gain de 2-1 sur les Penguins de Pittsburgh. Le joueur étoile de l'équipe, Sidney Crosby, n'était toujours pas de la formation. Il a par contre reçu le feu vert des médecins pour recommencer l'entraînement sans contact avec ses coéquipiers. À Boston, les Maple Leafs ont vaincu les Bruins en tir de barrage par la marque de 4-3. Malgré une récolte d'un point, Boston n'est toujours pas assuré de la première place dans la section nord-est. Une autre victoire de leur part et une défaite du tricolore leur assurerait de ce titre. À Montréal maintenant, Max Pacioretty se remet rapidement de sa blessure, lui qui avait subi une commotion cérébrale lors du match contre les Bruins de Boston le 8 mars dernier. Il peut maintenant s'entraîner en gymnase et augmenter le rythme de jour en jour. Depuis l'absence de Pacioretty, le Canadien présente une fiche de 4 victoires et 7 défaites. Au baseball, les Yankees disputaient leur premier match au Bronx contre les Tigers de Détroit. C'est un circuit de 3 points de Mark Teixeira qui a confirmé la victoire de New York par la marque de 6-3. À la boxe maintenant, Renan Saint-Just serait le candidat numéro 1 pour le retour dans le ring de Mikael Kessler. Le Danois, qui a dû s'absenter du Super Six en raison de problèmes de vision suite à son combat contre Carl Froch, utiliserait ce combat comme préparation à un possible affrontement contre Lucian Bouté. Au sport étudiant maintenant, c'est en tant que négligé que les Diablos du Cégep de Trois-Rivières et les Dragons du Collège de la Flèche amorcent les championnats de basketball collégial 2A féminin et masculin qui débutent aujourd'hui à Val-d'Or. Les Diablos, l'équipe masculine, entreront en action dès 15h, alors que les Dragons, l'équipe féminine, disputeront leur match à 19h. Et finalement, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Cataractes seront en action ce soir à l'occasion du 5e match de la série, les opposant aux Rockets de l'île du Prince-Édouard. Shawinigan pourrait dès ce soir éliminer l'équipe des Maritimes, eux qui mènent la série 3-1. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho. She lays down on the fresh lawn. She can make everything magical, but she died one on big time, and that makes me wanna rewind to back. Bottle of Mud avec la chanson Psycho. C'est tiré de leur tout dernier album. Ben, de leur dernier album, par contre, il n'est pas si récent que ça, là, donc on ne mettra pas de tout. On va maintenant parler d'hockey junior majeur. Il se joint à nous en direct de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Jonathan Robert, ça va bien, Jonathan? Ça va bien international, mon bébé. C'est Boston, Edmonton. Charlottetown. Charlottetown, on est. Il manque juste Saint-Étienne-des-Grès, puis on a fait le tour, hein? Incroyable. Jonathan, surprise? Est-ce qu'on peut qualifier ça de surprise, le fait que les Cataractes soient en avance 3-1 dans cette série? Bon, pas vraiment. Si on regarde un petit peu l'allure de la série, premièrement, avant même la première mise en jeu, de mon côté, je parlais des Cataractes en 6 matchs. Ce soir, c'est le match numéro 5. Le Rocket fait face à l'élimination. Alors, je suis convaincu que les équipiers d'Éric Lavigne, malgré le fait qu'ils soient un peu sous le choc là, d'avoir perdu les deux premiers matchs à la maison, peuvent rebondir ce soir. Est-ce qu'ils vont gagner? On en reparlera plus tard, mais ils sont quand même en mesure de rebondir. À ce moment-là, on revient à Shawinigan pour un sixième match et là, la série pourrait se terminer. Le pronostic pourrait être bon. Donc, dans mon cas, je pense pas qu'on peut vraiment parler de surprise. Toutefois, est-ce que la série va se terminer ce soir? Si tu me poses la question, je crois que oui. En ce moment, le Rocket est vraiment abasourdi. Ça s'est vraiment pas déroulé comme ils le souhaitaient. Premier match à Charlottetown, ils se sont tout simplement pas présentés. Deuxième match, ils ont attendu que ça soit 2-0 pour les Cataractes avant que ça mette en marche. Alors, tu peux pas sortir de la sorte. Devant tes partisans en séries éliminatoires, c'est killer. Et je lisais tes textes sur l'hebdo du Saint-Maurice.com. Jonathan, trouves-tu que dans les paroles d'Éric Lavigne, on commence, et même plus que commence, on sent l'urgence là, et un peu le désespoir de ne plus savoir quoi faire pour motiver sa troupe? Bah, décidément, écoute, après le lors du dernier match, après une période de jeu, c'était 2-0 pour les Cataractes. Éric Lavigne a téléphoné au propriétaire du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, Serge Chavard Jr., pour lui demander de descendre au vestiaire pour venir s'entretenir avec les joueurs. Alors, je pense que oui, effectivement, lorsque l'entraîneur est rendu de demander au propriétaire de venir faire un speech, c'est que ça va mal. On est au bout des ressources. On ne sait plus quoi dire aux joueurs. On doit les motiver. On doit les brasser d'une manière ou d'une autre. Et c'est le moyen le plus efficace qu'a trouvé Éric Lavigne. C'est pas un peu dangereux pour un emploi d'entraîneur, ça, de devoir être rendu à faire ça? Écoute, aucune idée. Tout dépend de la façon là, qu'il a abordé Éric, ou plutôt Serge Chavard. Quoi qu'il en soit, je pense que c'était une surprise également pour Serge Chavard parce qu'il devait venir sur la galerie de presse avec nous au premier entracte pour s'entretenir avec les médias. Et c'est d'ailleurs pourquoi là on a été mis au courant qu'il a descendu dans le vestiaire. Je suis pas convaincu qu'Éric Lavigne cherchait vraiment à ébruter la chose. Toutefois, lorsque Serge Chavard n'était pas justement sur la galerie de presse comme prévu au premier entracte, je lui ai téléphoné sur son téléphone portable et puis c'est une relationniste de l'équipe qui a répondu. Et lorsque je lui ai demandé si je pouvais parler à Serge Chavard, elle m'a répondu: il est dans le vestiaire, ça sera pas bien long. Alors, lorsqu'il est finalement monté sur la galerie de presse, il s'est excusé en disant: bon, je m'excuse, c'est le coach qui m'a appelé, il m'a expliqué la situation, donc il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, là, c'est un peu drôle de voir un entraîneur qui a besoin du propriétaire de l'équipe pour motiver sa troupe. Fait que c'est comme ça que tu as eu ton scoop. C'est comme ça. Félicitations. Oui, c'est ça. Jonathan, on revient là, sur la série là, depuis la dernière fois qu'on a parlé junior majeur, c'est-à-dire lundi. Comment s'est déroulée la route vers Charlottetown, les 13 heures de route vers la capitale de l'île du Prince-Édouard? Ben écoute, ça a bien été. C'est sûr que c'est un très long trajet d'autobus, donc c'est quelques films, une petite sieste, 2-3 articles, on se recouche un peu, mais ça fait partie du... Ça fait partie de la game, comme on dit. L'île du Prince-Édouard, c'est la deuxième destination la plus loin dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La première étant Cap-Breton avec le Screaming Eagles, qui, eux, du moment où ils quittent l'amphithéâtre pour jouer un match, l'équipe la plus près est à 6 heures de route. Mm-hmm. Pas évident. Non, pas évident du tout. C'est moins pire que dans le temps qu'il y avait les Phoques de Vos. Ouais, ben eux, ça, bien souvent, ça jouait par avion, oui. Pas le choix, sinon c'était difficile en pédalo là, pour les Phoques de Vos. Jonathan, là, tu parlais, bon, je parlais de toi, mais je voulais aussi savoir pour l'équipe au niveau du voyage. C'est de la routine pour les gars d'aller dans les maritimes ou il y a tout le temps un petit caractère spécial à travers tout ça? Ben, ils sont habitués, ça fait partie du match. La route, c'est pas un facteur. Surtout à ce moment-ci, les Cataractes en série éliminatoire sont arrivés 2 jours avant le premier match. On est arrivé dimanche soir aux alentours de 11h30 heure locale, donc environ 10h30 au Québec. Donc ça l'a laissé quand même 2 bonnes nuits de sommeil avant le premier match. Et puis, pas d'inquiétude, les joueurs se sont bien présentés sur la patinoire. Ça a été une bonne semaine ici à Charlottetown. Des entraînements à tous les jours, à l'exception hier, là, où Éric Veilleux a donné congé d'entraînement à tous ses joueurs, à l'exception de 6 joueurs qui jouent moins, soit Samuel Haddad, Matt Bercy, Justin Haché, Mathieu Gagnon, le gardien de but, Alex Dubo, et le sixième qui était Marc-Antoine Goyette. Faut comprendre que Goyette est ennuyé par un virus depuis son arrivée à Charlottetown. Lors des trois premiers jours, il n'a pratiquement pas quitté sa chambre d'hôtel. Donc lui, là, était sur la patinoire pour une première fois hier. Ça serait étonnant toutefois de le voir en uniforme aujourd'hui. Dans une situation comme ça, est-ce qu'on l'isole de l'équipe au niveau de la chambre d'hôtel aussi? Ou? Oui, ben tout à fait. En fait, là, il était seul dans sa chambre, sortait très peu. On l'a pratiquement pas vu non plus lors des repas d'équipe. Lorsque l'équipe s'est rendue à l'amphithéâtre pour disputer ces deux matchs, Goyette, qui n'est pas venu en autobus, est venu seul en taxi, justement, pour éviter tout risque de propagation, tout risque de contamination auprès de ses coéquipiers. Alors, c'est comme ça. Surtout en série, là, personne ne veut prendre de chance. Alors, Goyette, là, qui s'est entraîné, heureusement, pour une première fois hier, on verra aujourd'hui s'il sera en uniforme. D'ailleurs, parlons un peu là, de la partie de ce soir là, contre le Rocket. C'est quoi la routine pour les gars aujourd'hui? On s'entraînait ce matin, j'imagine? Oui, ben effectivement, là, un entraînement très très léger ce matin là, pour ça délier les muscles en prévision du match de ce soir. Alors pour le reste de la journée, c'est la routine habituelle lors d'un jour de match. Là, Éric Veilleux qui va rencontrer les joueurs. Il va avoir des séances vidéo également, les ajustements apportés en prévision du match de ce soir. Et en fin d'après-midi, aux alentours de 4h30, là, les joueurs qui vont quitter l'hôtel et puis qui vont se rendre là, en direction du Civic Center de Charlottetown pour se préparer pour ce match. Un match important. On dit souvent que c'est le match le plus important à gagner, ce dernier match-là. Celui qui peut éliminer l'autre équipe, on se bat pour la survie jusqu'à la fin. Donc, ça sera un match important ce soir. Les Caps qui vont devoir assommer le Rocket dès le début. C'est pas juste souvent qu'on dit ça, on dit ça pas mal tout le temps, que c'est le match le plus important à gagner. Jonathan, je voulais savoir... Pas le plus important, le plus difficile. Ah, le plus difficile, OK, parce que t'avais dit le plus important, c'est pour ça qu'on ricanait un peu en studio. Ouais, là, non, simplement. C'est ça, le plus difficile à gagner, parce que bon, personne n'aime se faire éliminer, alors c'est certain que le Rocket, après en avoir joué deux assez ordinaires devant leurs partisans, ont pas le choix de réagir ce soir en début de match, alors... C'est pour ça là, qu'on dit que c'est souvent le plus difficile. Le plus important, on pourrait dire, c'est le match numéro 4, parce que c'est soit qu'on mène la série 3-1, qu'on égalise 2-2, ou qu'on remporte la série. Ouais, c'est ça. Donc, c'est souvent le quatrième. Mais, Jonathan, je veux savoir, là, on parle de plus en plus du côté de Charlottetown, des rumeurs, bon, de nouvel amphithéâtre, semble-t-il, là, à l'été texte, ça commence à être dû, là, de la façon que tu nous décris ça, là, du côté du Civic Center. Ouais, c'est pas facile. Disons, point de vue extérieur, c'est gros et laid. Okay. On va dire ça comme c'est. L'intérieur de l'amphithéâtre, par contre, c'est une belle grandeur pour le hockey junior. C'est un amphithéâtre là, de... 3 500, 4 000, ouais? Ouais, environ 4 000, là. Okay. J'ai pas le chiffre exact sous la main. C'est vieux un peu. Pas de reprise sur le tableau indicateur. Toutefois, là, je pense que pour ce qui est des partisans, l'amphithéâtre fait le travail. Pour ce qui est des journalistes, on peut s'en reparler. Une mini galerie de presse pour vous donner idée. Les journalistes affectés à la couverture des Cataractes, donc Radio Énergie, Le Nouvelliste et l'Hebdo du Saint-Maurice. On est trois qui ont fait la route vers Charlottetown et puis on a complètement fait déborder la galerie de presse. Il y a même un journaliste local qui a dû être localisé dans une loge de l'équipe parce que la galerie de presse était pleine. Alors, il y a de la place pour environ 4 personnes sur cette galerie de presse-là. On est en série, un superviseur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, un superviseur des officiels qui vient s'asseoir également sur la galerie de presse. Alors là, ça déborde, on doit travailler avec les ordinateurs portables sur les genoux parce qu'on n'a pas de table, vraiment. C'est plus petit que McGill. C'est pas facile. C'est, ouais, McGill, là. Il y a des tables au moins, McGill. Écoute, j'ai fait mes recherches, Jonathan. Le Civic Center a quand même été construit en 89-90. Il a été ouvert en 90. Étonnant pour un aréna que ce soit aussi vieux que ça. Et là, on parlait de... Bon, tu nous parlais d'une nouvelle construction possible. 2014. Et là, on irait, j'imagine, avec un aréna à la Centre Bienest un peu, là. Ben, probablement. J'ai pas vu les plans. Je suis certaine, là, beaucoup de ça ici à Charlottetown parce que là je veux pas dire de niaiserie, mais je crois que c'est un centième anniversaire d'une création quelconque ici à Charlottetown. Okay. Alors le gouvernement qui va débloquer des fonds pour la construction d'un nouvel amphithéâtre, ils espèrent aussi avoir des fonds du fédéral ainsi que du provincial. Alors ça reste à voir. C'est ce qu'ils discutent ici présentement en prévision de 2014. On commence déjà à préparer certaines choses. Jonathan, je veux que tu nous racontes le petit gag là, qui s'est passé là, cette semaine. Je sais pas si tu veux en parler, là, mais je te force à en parler. Le petit tour que tu t'es fait jouer par toute l'équipe là, des Cataractes. Ton initiation, là. Oui, ben en fait, c'est pas réellement compliqué. On se trouve au Civic Center de Charlottetown. On est en entrevue avec l'entraîneur Eric Veilleux dans la salle des entraîneurs. Alors, vous comprenez que tout ce qui se passe sur la glace, on voit rien. Tout ça, on est enfermé dans une chambre en béton depuis une quinzaine de minutes. On parle avec Eric Veilleux pour le match en prévision, justement, là, de nos articles, de nos reportages. Et tout d'un coup, le préposé à l'équipement des Cats rentre dans le vestiaire en panique. Eric, puis là, il fait signe, faut que tu viennes tout de suite. Donc, évidemment, on comprend qu'il y a une situation urgente. Les, on éteint les micros et puis on dit, il va revenir. Ça a l'air important. Et puis là, deux minutes après, c'est Danny Dupont, l'entraîneur-chef des Cataractes, qui rentre, qui dit, hey les boys, venez voir ça. Il dit, il y a un employé de la ville de Charlottetown qui s'est fait bumper par la Zamboni, il s'est fait ramasser, il est couché en dessous. Puis là, nous, on s'en va là, sur le bord du banc. Et puis vraiment, il y a une longue traînée rouge sur la surface glacée. Ça a l'air vraiment du sang. On y croit à 100 000 à l'heure. Donc moi, je pars en courant sur la galerie presse à aller chercher mon appareil photo. Pas que ça me plaise, mais un accident majeur. C'est un accident, oui. C'est un accident. Ça fait partie des nouvelles. Alors, moi qui voyais déjà la photo, sans dire... ouais, en tout cas, la photo un peu impressionnante avec le gars couché en dessous de la Zamboni. Tu te voyais obtenir ton Pulitzer en photo. Pars en courant, reste à la galerie presse et là, je vois toutes les coaching staff, mes collègues qui sont bien crampés au banc des Cataractes. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement la Zamboni qui s'est vidée de son huile à transmission. C'est rouge. Ça a fait une belle traînée rouge sur la patinoire. Et puis, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais bon, c'était drôle. On en a fait un blog et puis on en a parlé beaucoup ici le restant de la semaine. Ouais, ben, gars, c'est le fun de voir. Et d'ailleurs, je dois vous féliciter sur le fait que, toi, oui, et même Steve, du côté du Nouvelliste, vous n'êtes pas arrêté au match. Vous avez fait vraiment vivre un peu la vie de l'équipe et la vie à Charlottetown à travers tout ça. Et c'était super intéressant de vous lire. Et je trouve ce qui est le fun aussi, là, particulièrement dans ton cas avec l'hebdo, du fait que, bon, c'est un hebdomadaire, le nom dit, là, mais un hebdomadaire, donc on remplit beaucoup sur Internet. Ce qui se passe, c'est d'avoir autant de nouvelles que ça en si peu de temps. Et félicitations pour votre bon travail et ton bon travail, Jonathan. Ben, merci beaucoup. Hey, en terminant, Jonathan, ben là, prédiction pour ce soir? Ma prédiction pour ce soir, je pense que les Cataractes devraient l'emporter là aujourd'hui. Du moins, ça serait le scénario idéal pour eux. Bénéficier d'une bonne semaine de repos complet avant d'affronter les Remparts de Québec au deuxième tour. Alors, qui ont terminé en quatre matchs. C'est ça, tout à fait. Donc, ça serait pas avantageux de se présenter à Québec là contre des Remparts frais et dispo depuis une bonne semaine et demie et eux d'avoir eu seulement deux ou trois jours de repos. Alors, l'idéal, ce serait de terminer ça ici ce soir à Charlottetown pour ce qui est sur la glace. Bien entendu, pour l'aspect financier, ce serait avantageux pour eux là de disputer un autre match au Centre Bionès, étant donné les retombées que ça peut apporter. Mais je pense qu'en ce moment, là, les actionnaires ont beau vouloir faire du profit, doivent espérer aussi que ça se termine dès ce soir. Et on ne s'attendait pas nécessairement à affronter les Remparts en deuxième ronde, mais parle-nous un peu des Tiques de Victoriaville qui sont venus choquer beaucoup de personnes là, en cette première ronde en battant les Titans de Cats Batters en quatre matchs comme si de rien n'était. Ah, décidément, c'est la surprise de 2011 et je pense qu'on va en parler durant quelques années de celle-là. Il y a quelques confrères qui s'étaient avancés à prédire les Tiques de Victoriaville en sept. Et je pense que à peu près tout le monde disait OK, on gage combien. Et puis on parlait de sept matchs. Finalement, ça s'est terminé par un balayage. Incroyable quand même. Et du côté de Victoriaville, c'est bon signe là, pour le futur. Bon, David Anzik dans les filets qui fournit ouais, il était sensationnel au dernier match là. On a vu entre autres là sur YouTube, il y a une vidéo un recap là un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé durant ce dernier match. Il a fait des arrêts tout simplement incroyables, surtout en prolongation. C'est vraiment lui là qui a permis un petit peu au Tigre de Victoriaville de battre le Titan des Cats Batters. Ça n'empêche que visiblement il y a un problème dans la chambre du Titan. Toutefois, le problème va se régler assez rapidement parce que l'an prochain il leur restera absolument plus rien. Les 3-20 ans s'en vont. T'as Olivier Roy qui s'en va. Arsenault qui s'en vient à Shawinigan. C'est une façon extrêmement triste de terminer un cycle. On sait que dans les juniors majeurs, ton équipe fonctionne sur un cycle là, creux de vague, haut de vague, creux de vague, haut de vague, mais c'est assez désolant de voir ça là, du côté de Batters. Ah, décidément, et puis perte d'argent incroyable aussi là, pour Léo Guy Morissette, qui en perd déjà avec le Coron Higué de Trois-Rivières. Je ne serais pas surpris là, qu'on annonce au cours des prochains temps une relocalisation du système avec Batters, une vente, parce que là, vraiment... Là, Les attentes étaient élevées à Acadie Batters. On s'attendait à un très, très long printemps et finalement, ça va avoir duré 4 petits matchs et c'est la débandade là-bas. Exactement. Ben, Jonathan, merci beaucoup de t'être joint à nous ce matin. Avec grand plaisir, monsieur. On te souhaite un bon match ce soir et on peut lire tes textes sur lhebdodusaintmaurice.com. Une heure plus rapidement que Bonheur, t'es dans les Maritimes. Effectivement. C'est bon? Bon retour en autobus. Salut, merci. Salut, Jonathan. Bye-bye. Donc, c'était Jonathan Roberge de l'hebdo-du-saint-maurice.com. Hey, je continue avec Junior Major. Le temps file, là, mais je vous résume les séries. Sans trop de surprise, les Sea Dogs de St. John's qui l'ont emporté en 4 matchs là, aisément. Et, écoutez, les gars, St. John's... Walk in the park, tu dis. C'était même plus juste un parc. Là, c'était un pré, carrément. en 4 matchs, et les Screaming Eagles n'auront compté que 2 buts dans cette série-là. Alors que du côté de Saint-Jean... 10, 7, 5 et 4 les buts dans les 4 matchs. Donc, une belle dégelée. Montréal, le junior. 26 buts. Si tu l'additionnes de même, j'avais pas le temps d'additionner dans ma tête. Ah ouais, là, mais 26 à 2. Hey, yo, yo. Un différentiel de 24, c'est-à-dire plus 6 par match. Ça, dans mon coin, on dit une mornif. Une mornif. Le junior de Montréal, sans trop de surprise non plus, l'ont apporté aisément contre Halifax en 4 matchs. Les remparts de Québec, c'est la même chose en 4 matchs. Ça n'a pas été trop compliqué. On faisait nos prédictions avec Simon Laliberté quand il s'est joint à nous durant la semaine dernière. On disait des séries courtes. C'est vraiment ce qui est arrivé dans la plupart des cas. Les remparts de Québec. Dans le fond, honnêtement, la première ronde des séries dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est pour donner des fonds supplémentaires à ces équipes. On en parlait tout à l'heure avec Jonathan Bernier. C'est le contraire dans la LNH, en fait. Là, c'est là où les surprises se font. Dans la LHJMQ, c'est absolument toujours à part, bon, ouais, à part Victo Batters, ouais. Mais c'est ça. Comme Jonathan Roberge disait, ça, on va en parler pendant des années. T'sais. Oui, celle-là, ça en était toute une. Donc, les remparts 4-0 contre les Forêts de Val-d'Or, les Voltigeurs de Drummondville, victoire de 4-0 contre la troupe de Guy Carbonneau. Carbonneau qui n'aura pas prouvé grand-chose. Quoi que ça a été certains matchs serrés. Écoute, la première a été gagnée 4-3, la deuxième 6-1 par Drummond. La troisième, 6-4 et la cinquième, 5-4. C'est 11 ou 10 matchs consécutifs avec une défaite là, du côté de Carbo. C'est ça qui est plus dommageable. Qui est un peu plus choquant. Ils ont appris à perdre, quasi. Ça se peut, là, mais c'est pas ce que tu tiens pas. Du côté de Gatineau, c'est 3-1 la série. Rimouski en ont gagné une. Donc, le prochain match, c'est ce soir, 19h30, du côté de Gatineau, plutôt. Bon, l'éthique de Victoriaville, je vous en ai parlé, 4-0. Shawinigan, gagné du Prince-Édouard, c'est ce soir à 19h, heure des Maritimes, du côté de l'île du Prince-Édouard. Lewiston-Moncton, la dernière série. Ben, je croyais que Moncton l'emporterait, mais Lewiston mène la série 3-1. Et ce soir, ça pourrait se terminer à Lewiston, en direct du Andrew Goskin Bank Coliseum à Lewiston. À traîner dans un cartable. Oui, c'est un nom qui vaut beaucoup au Scrabble. Ben, merci beaucoup de vous être joints à nous ce matin. On espère que vous avez aimé l'émission. Rock Classique suivra dans pas long. Et n'hésitez pas à nous suivre, nous visiter inconduitedepartie.com. Pour Félix Doucet, Marc-Antoine Lavoie, je suis Nicolas Ducharme. Bonne journée! Si les journées sont toujours plus intenses avec le temps qui